ravie de vous retrouver, Madame, Monsieur. Bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grands titres. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, appelle le gouvernement burundais à développer des projets dans différentes provinces pour limiter le nombre des enfants en situation de rue. Les usagers de la route Gitega-Ngozi et Gitega-Bujumbura demandent la réhabilitation de cette route au niveau de la vallée de la rivière Karunga. C'est un endroit enregistrant des accidents des véhicules poids lourds et ce, chaque semaine. La chronique nutrition de ce dimanche nous parle des valeurs nutritives de la banane et c'est dans cette édition mise en onde par François Akiman. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bienvenue encore une fois, parlons droits de l'enfant pour débuter cette édition. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, appelle le gouvernement burundais à développer des projets dans les différentes provinces dans le but de diminuer le nombre des enfants en situation de rue. Demande formulée ce dimanche par Gérard Rugeminwaza, vice-président de cette commission, et c'est au moment où le 16 juin de chaque année, on célèbre la journée de l'enfant africain. Et la CNIDH indique que les abandons scolaires et ceux des victimes des différents abus chez les enfants continuent à augmenter, a déploré ce dimanche le vice-président de la CNIDH au cours de sa déclaration. En cette journée hautement symbolique, la CNIDH tient à rappeler l'importance de la protection des droits de l'enfant en général et du droit à l'éducation en particulier. Toutefois, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi demeure préoccupé par plusieurs défis persistants. Le taux d'abandon scolaire élevé et les grossesses en milieu scolaire, les cas de maltraitance, la persistance des châtiments corporels, le travail des enfants et l'exploitation économique, ainsi que les mariages précoces, le phénomène des enfants des rues, la mendicité, les enfants en conflit avec la loi, le manque d'accès à une éducation inclusive et de qualité, notamment pour les filles, les enfants vivant avec un handicap ou ceux affectés par la pauvreté ou les conflits, la persistance des pratiques discriminatoires et de stigmatisation des enfants atteints d'albinisme. Face à ces défis, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi recommande à toutes les institutions de l'État à redoubler d'efforts pour garantir à chaque enfant l'accès à l'éducation, à la santé, à la protection et à la participation, conformément aux engagements nationaux et internationaux, notamment la Constitution de la République du Burundi, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant et la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Recommande au gouvernement d'inscrire le phénomène de l'exode rural parmi ses priorités. Recommande à l'État du Burundi de réviser le Code des personnes et de la famille de 1993 dans ses dispositions pertinentes concernant l'enfant et le conseil de famille. La surpopulation et la pauvreté dans les familles sont parmi les défis majeurs bafouant les droits des enfants, selon Boniface Banyezako, gouverneur de la province Changuzo. Il reconnaît la persistance du phénomène du trafic des enfants burundais vers la Tanzanie. Et en quête d'emploi, cette autorité provinciale indique en outre que des stratégies ont été arrêtées pour lutter contre ce trafic des enfants. Il parle notamment des réunions via Ujirani Mwema avec les Tanzaniens, des réunions ayant pour finalité de rassembler les enfants mineurs qui sont sur le sol tanzanien et les remettre aux autorités burundaises suivies. Que les gens, dans leur façon de vivre, doivent chercher tous les moyens possibles. Il y a ceux qui cherchent les moyens qui respectent le droit humain. Il y a même ceux qui cherchent les moyens qui ne respectent pas le droit humain. Mais pour ceux qui ne respectent pas le droit humain, c'est que la légalité doit réagir. C'est que ces gens qui ne respectent pas la loi doivent être punis. Alors ces enfants qui vont en Tanzanie, quelquefois, ce sont des enfants qui vont comme ça, mais avec ces réunions d'Ujirani Mwema qu'on essaie de tenir chaque fois de besoin, nous avons échangé avec les Tanzaniens. S'ils trouvent qu'il y a des enfants mineurs qui sont sur le sol tanzanien, ils doivent être rassemblés et puis remis aux autorités burundaises. Et c'est une activité qui se fait beaucoup de fois. Nous avons cherché les causes de ces sorties des enfants vers la Tanzanie. Nous avons vu que quelquefois c'est lié à la pauvreté dans les familles pour certaines familles, parce que ici c'est une province qui est frontalière avec la Tanzanie et aussi qui aujourd'hui, on va parler que c'est une province qui a encore de terres. Les terres sont encore vastes comparativement à d'autres provinces. D'où alors, par exemple, si quelqu'un par exemple, se trouve en exil. S'il s'est exilé de Kirundo, par exemple, lors de son rapatriement, il va dire qu'il va à Chankuzo. Il ne connaît même pas l'endroit où il va, mais il va dire, moi, je me rapatrie à Chankuzo. Arrivé ici alors, si la vie devient difficile, son enfant, il va dire, comment vivre? S'il a 4 enfants, 5 enfants, il va dire, oh, vous, je vois que vous avez à l'âge un peu avancé, allez en Tanzanie, par exemple. Vous trouvez que ce sont certains parents qui ont manqué à leur responsabilité. Autre chose qu'on a vu, c'est qu'il y a des gens qui vont chercher des moyens en vendant les enfants. Là, on a essayé de juguler à ce problème et certains ont été punis. Boniface Banyeza, co-gouverneur de la province de Changuzo, au micro de Jean-Marie Mayonga. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Le centre Taba, en commune province Bururi et dans le Nord, suite au transformateur en panne depuis 3 mois, les habitants de cette localité qui exercent des activités nécessitant du courant électrique demandent à la Régie des eaux de trouver solution à ce problème. C'est au moment où ceux du chef-lieu de la commune Songa se réjouissent du fait que le transformateur foudroyé l'année écoulée ait été finalement remplacé au mois de mai de cette année. Au niveau de la Régie des eaux à Bururi, l'on indique qu'un autre transformateur est attendu pour remplacer celui de Taba, le point avec Zenon Nzambimana. Les propriétaires des moulins, des salons de coiffure et d'autres exerçant des activités nécessitant du courant électrique au centre Taba en commune province de Bururi grognent que leurs activités sont paralysées depuis 3 mois suite au manque de courant électrique. D'autres grognes se font entendre également chez les commerçants dont leurs marchandises ont été déjà volées par des inconnus qui profitent de l'obscurité dans cette localité qui est plongée dans le noir depuis ces 3 mois. Les propriétaires de la station Taba Oil se plaignent également qu'ils enregistrent beaucoup de pertes pour servir au carburant lorsqu'il est disponible. Ils expliquent qu'ils sont obligés d'utiliser la machine électrogène qui doit consommer plus de 25 litres de mazout pour servir 10 000 litres d'essence, sans oublier la vidange de cette même machine qui ne coûte pas moins de 200 000 francs burundais. Les habitants de Taba, dont ceux exerçant des activités nécessitant du courant électrique, demandent à la Régie des eaux de remplacer le transformateur qui était installé à Taba, qui est en panne depuis 3 mois pour que leurs activités puissent continuer. C'est au moment où du chef-lieu de la commune de Songa dans la même province se réduisent du fait qu'un transformateur foudroyé au mois de mai 2024 ait été finalement remplacé le mois de mai de cette année. Tous demandent l'intervention rapide de la Régie des eaux en cas de panne pour que les bénéficiaires du courant électrique n'enregistrent pas beaucoup de pertes. Au niveau de la Régie des eaux à Bururi, on indique qu'un autre transformateur est attendu pour remplacer celui de Taba en panne. Depuis Taba en commune de Bururi, Zenon Zabimara pour la radio Isanganiro. Le tronçon de la route joignant la route Gitega Ngozi et Gitega Bujumbura, plus précisément dans la vallée de la rivière Karunga, enregistre au moins par semaine un accident de véhicules poids lourds, des véhicules de transport des marchandises provenant de la Tanzanie. Les chauffeurs tanzaniens de ces poids lourds demandent que ce tronçon soit reconstruit pour mettre fin à ces accidents et le commissaire provincial de la police à Gitega promet de s'entretenir avec les services chargés de la construction des routes pour trouver une solution durable. En attendant, les véhicules poids lourds tanzaniens passent par le centre-ville de Gitega pour se rendre à Bujumbura. Les détails avec Gérard Nibigira. Selon les gens qui exercent l'activité de lavage des motos et véhicules dans la vallée traversée par la rivière Karunga, où passe le tronçon de route joignant la route bitumée Gitega Ngozi et la route bitumée Gitega Bujumbura, par semaine, au moins un accident de véhicules poids lourds tanzaniens de transport de marchandises est enregistré sur ce tronçon passant par la vallée Karunga. Ils ajoutent que même des véhicules légers et vélos s'y renversent en grand nombre car il y a une forte descente suivie d'un tournant terrible au fond de la vallée et la route dont il s'agit est fermée depuis ce vendredi suite à un camion poids lourd tanzanien qui s'y est renversé et qui n'est pas encore enlevé du lieu d'accident. De leur côté, les chauffeurs tanzaniens de ces poids lourds indiquent que ce tronçon est dangereux. Ils expliquent que le tronçon de route en question a été mal conçu car il est caractérisé par une forte descente suivi d'un tournant terrible et au fond de la vallée et en fait vient une forte pente. Il précise que ce soit pendant la saison pluvieuse et que ce soit pendant la saison sèche, cette partie de la route reste glissante. Pendant la saison pluvieuse, c'est suite à l'eau et pendant la saison sèche, c'est suite au réchauffement du goudron qui devient glissant aussi, continue-t-il. Ainsi donc, il demande que ce tronçon de route soit reconstruit pour mettre fin aux accidents qui sont enregistrés et au cas contraire, il réclame l'autorisation de passer par le centre-ville de Gitega. Quant à lui, le commissaire provincial de la police à Gitega reconnaît le nombre élevé d'accidents enregistrés sur ce tronçon de route, d'où il promet de contacter les responsables des services chargés des routes pour voir si ce tronçon pourrait être reconstruit. Il poursuit en disant qu'en attendant, les camions poids lourds tanzaniens passent par une route qui traverse le centre-ville de Gitega pour rejoindre Bujumbura. Depuis Gitega, Jean Wigira pour la radio Isanganiro. Et certains parmi les ménages des Batois des collines de Muramba et Runyonza en province de Kirundo demandent que des projets durables comme la construction des maisons en dur se sont exprimés ce dimanche lors de l'activité de distribution des kits de non-vivre aux victimes des catastrophes naturelles, activité organisée par la solidarité des femmes burundaises pour le bien-être social et développement. Pascal Manali, secrétaire permanent à l'administration communale de Kirundo, interpelle ces ménages des Batois à cesser de se plaindre. Une information que nous devons à notre correspondante en province, Kirundo, Agnès Nahumagadze. Comme l'indique la représentante de la solidarité des femmes burundaises pour le bien-être social et le développement, cette activité de distribution a été organisée à l'endroit des 50 ménages vulnérables de la communauté Batois des collines Muramba et Ruyonza de la commune Kirundo afin de contribuer dans l'amélioration de leurs conditions de vie en leur octroyant des kits non-vivre parmi lesquels figurent le matériel de première nécessité et le matériel de l'hygiène mensuelle pour les femmes. Comme la même source continue à l'informer, ce matériel pouvant les aider à améliorer leurs conditions de vie et elle a également mentionné qu'ils feront une visite de terrain à ces ménages au mois de juillet pour regarder si ce matériel leur a été utile et qu'elles ont toujours ces matériels donnés. Les ménages Batois reconnaissent l'aide apportée car elles soulignent un manque cruel de matériel de ménage parce que parmi eux, nombreux sont dans des situations difficiles. Ils disent cela sur le fait qu'ils habitent dans des maisons non décentes, souvent détruites par une pluie torrentielle, alors qu'ils n'ont pas assez de moyens pour construire des maisons qui sont solides. Le secrétaire permanent de l'administrateur de la commune Kirundo, Pascal Manario, interpelle ces ménages de la communauté de Batois à cesser de se plaindre, mais à attendre patiemment ces projets durables qui favorisent le bien-être social et le développement. Depuis Kirundo, Agnès Nahumagadze pour la radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique nutrition. La banane mûre contient du sucre qui fournit un regain d'énergie instantané et durable encore. Riche en potassium, elle favorise la contraction musculaire et réduit le risque de crampes. Selon le chercheur spécialiste en nutrition Janvier Nigaloula, la banane mûre favorise aussi la production de globules blancs, réduisant ainsi le risque d'infection et de cancer. La chronique nutrition est signée Jean-Marie Mayonga. La banane mûre est un fruit riche en potassium et contient du sucre nécessaire dans l'organisme. C'est un fruit qui présente de nombreux avantages pour la santé humaine, car il contient beaucoup de nutriments que notre corps a besoin pour avoir une bonne santé. Comme les glucides, ce sont les glucides qui procurent de l'énergie à l'organisme. Elle contient aussi des vitamines du groupe B, surtout comme le B1, le B6, qui nous permettent de lutter contre la dépression et d'améliorer l'humeur. Et par exemple, si quelqu'un manque de vitamines B6 et de B1, il peut oublier, il peut avoir un oubli anormal, l'insomnie, tout ça. La banane mûre, selon Janvier Nigaroura, spécialiste en nutrition, contient aussi des sels minéraux qui préviennent les crampes musculaires. Elle contient des sels minéraux comme le magnésium, le potassium, qui réduisent la tension artérielle et préviennent les crampes musculaires. Et ce sont le magnésium et le potassium qui nous préviennent des maladies, surtout les maladies cardiovasculaires et l'hypertension artérielle. Concernant des vitamines, selon ce chercheur, ce fruit possède deux types de vitamines et des antioxydants qui renforcent le système immunitaire. La banane mûre contient des vitamines C et des antioxydants et qui renforcent notre système immunitaire en nous prévenant surtout des maladies infectieuses comme la grippe, la rhume. Si quelqu'un mange beaucoup de la banane mûre, cela veut dire que son système immunitaire